À l'occasion du 61e anniversaire de la libération de la patrie, le journal du Congo démocratique L'Avenir de 5 a fait la rédaction spéciale sur une page entière avec la photo du président Kim Il-sung qui prononce l'historique discours à l'occasion de son retour triomphal. Sous le titre « Le président Kim Il-sung, bienfaiteur de la libération », le journal a noté qu'il a vaincu les impérialistes japonais qui avaient occupé la Corée militairement pour ainsi libérer le pays, et que ces exploits resteront de siècle en siècle dans le cœur du peuple coréen et de l'humanité progressiste. Par ailleurs, à la même occasion, le Comité national d'études des études du Congo démocratique a fait paraître le 3 courant un bulletin.